seul qui m'ait regardé, comme si c'était la première fois. Ne t'inquiète pas, mon amour, je t'aime. On se croise parfois la journée. Il attend lascivement là-bas. N'est plus le seul à qui je plais. Mes sourires l'enivrent tant. Ce n'est rien, mon amant. Je t'admire. On doit se voir dans la journée. Je crois qu'il me drague étroitement. Tu n'es plus le seul qui me désire. Matin, ses yeux me l'ont dit. Remets-toi, mon ami. Je t'apprécie. On va se rejoindre, j'en ai le désir. Il m'attire déjà vers son lit. Tu n'es plus le seul que je rends fou. Sa raison à présent touche le fond. Ne t'inquiète pas, mon amour, je t'aime. Je ne te reverrai plus jamais.